Vérifier tempêtes et marées, naviguant sur la houle de mots égarés, transat en solitaire pour un cœur blessé, sans escale, sans espoir de retour, le temps est bien loin déjà, où tous couraient à tes côtés. Lointaine époque où la foule n'avait lieu que pour toi. Peu importe où tu ailles, maintenant le temps joue pour toi. L'éternité t'ouvre grand ses bras pour un voyage qui ne fait que commencer. Se sont éteintes et chacun parti sur son propre chemin. La haine fit place à l'oubli et la monotonie reprit ses droits. Et pourtant tu as crié, crié qu'il t'avait tous abandonné, et tu as pleuré. Dans la lueur d'un ciel de...